France District. Écris mes textes aux aguets, plus le temps de zigzaguer. Je veux que mes textes finissent dans les magazines. Écoute la rage dans mes amygdales. Dans mon secteur, j'ai trop d'amygdales. On vit dans l'esquive, donc à tout à l'heure. Les faux MC veulent rapper, mais n'ont pas de test. Les technomanes veulent faire la fête, mais n'ont pas de tasse. Les mythomanes baissent des meufs, mais n'ont pas de tasse. SPYK dans le rap, je veux faire le plein, mais je trouve pas de stas. Calcule pas les statistiques, on est tous en bas, pourtant on chute. Bad trip comme le sale shit. Écœurant comme une vieille chatte, chute, ferme la si ça choque, trop haine en stock. Si tu m'écoutes, vas-y rajoute un stick. Stop, des polémiques depuis l'époque, toujours anti-flic. Fini les cavalcades sur les terrains de foot. Squat le terre-terre 24-24 comme des fous. Moi et mes mille shots, on restera en deux grandes mecs. Comme Radio 1000 pattes, je braque à découvert. Les bâtards qui nous couvertent, qui sert et Spike. On a la dalle, rajoute le couvert. On tire une gueule d'enterrement à cause des bâtards qui veulent pas qu'on s'en tire entièrement. Braque à découvert, les bâtards qui nous gouvernent. Dizer et Spike. On a la dalle, rajoute le couvert. On tire une gueule d'enterrement à cause des bâtards qui veulent pas qu'on s'en tire entièrement. Dizer et Spike, mec. Les scélérats 91 Long Beach. Arrête de boycott. Ferme ta gueule, go rap. Y'a plus d'haricots pour les parigots. Normal qu'on est pas réglo. La vie est glauque alors j'parle à mon bloc. Ici des keufs, y'en a plus disparus. Quand j'pète une taille, j'verse une goutte à tous nos disparus. J'veux voir les troisièmes doigts s'hisser. Quand déboule mon convoi, c'est les mecs qu'on convoitise et convoitise. J'balance la tuerie, Long Beach en featuring. Rime sur rime, j'reste positif comme on teste d'urine. J'suis garçon haineux quand j'vois le tchèque cerné. Mec, j'baisse les gars jusqu'à l'eau, même les yeux cernés. Rap brut, zéro de ma butte, j'bute. Faut pas que ça c'est brut, mec. Ta chérie c'est ma pute, nique tout, j'attends pas le déclic. Pour fuck ta clique qui sert des cris script. En réside un district, district. J'braque à découvert, les bâtards qui nous gouvernent. Qui sert et Spike. On a la dalle, rajoute le couvert. On tire une gueule d'enterrement à cause des bâtards qui veulent pas qu'on s'en tire entièrement. J'braque à découvert, les bâtards qui nous gouvernent. Qui sert et Spike. On a la dalle, rajoute le couvert. On tire une gueule d'enterrement à cause des bâtards qui veulent pas qu'on s'en tire entièrement. En direct de Long Beach où les keufs sont chauds, où l'espoir se dégrade peu à peu. Pour mes crânes chauves, on a le monsieur, monsieur, le seum troule. Le jour où j'aimerais les keufs, on m'aura jeté le scroll. J'ai la rage dans le beat comme faire 48 heures de GAV à jeun. Un gros doigt dans le boule à monsieur l'agent. La barre au-dessus le champion, l'étage l'enjambe. Comme leur carte CRS remplie de jambes. Ça y est, c'est mort, le micro je l'ai crampolé. Accro au rap comme un tox qu'a crampé crampolé. SPYK, lyrics en or, envoie la monnaie. Regarde ma gueule, j'suis pas venu pomponner. Et toi tu seras te mettre les coups de pomponné. Croise le beat pire qu'un forcené. J'ai la patate comme Vico, Fugo. Comme Ico t'es pas crédible si t'es un bigo. 91 dans le Paris, demande à Bebop. Si tu testes, t'es dans mon pas tombé d'une carie. Infidèle comme cette pute qui trompe son mari. Tu connais le procédé, devenir procédure. Donc avec les harkis, on applique la procédure. La procédure. Aïe.